Audiomatique. Amorcer la transmission 5-7-4 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la collaboration entre le groupe américain Snarky Puppy et l'orchestre néerlandais The Metropole Orchestra de leur album Silva, paru en 2015 et qui regroupe des pièces enregistrées lors de deux concerts donnés en avril 2014 au Het Energy House dans la ville de Dordrecht, aux Pays-Bas. Nous écoutions la pièce Greta. Mais maintenant, transportons-nous au Mexique des années 80 avec le groupe Duda Mata.

c'est sur la musique du célèbre pianiste Herbie Hancock que se concluait cette séquence de trois pièces. Nous avons entendu la composition Junko, tirée de l'album Sound System, paru en 1984 et qui s'inscrit dans la phase électro-funk d'Herbie Hancock. Avant, on entendait le groupe britannique Cabaret Voltaire et la pièce Golden Halos qu'on peut trouver sur l'album The Covenant, The Sword and the Arm of the Lord, publié en 1985. Et pour amorcer la séquence, c'était la formation mexicaine Duda Mata, de son unique album homonyme paru en 1987. Nous écoutions la composition C'est Soy. Audiomatique se poursuit maintenant avec la formation anglaise Red Snapper. Got to get out of this, got to get out of in deep. Nous avions droit à Audiomatic, à l'artiste américain Ganja Sufi, de son album Mandela Effect, lancé en 2017, qui contient 16 titres, dont des remixes de son album Callous, ainsi que plusieurs titres originaux et collaborations. Nous entendions la chanson Your Maker, remixée par Daddy G, membre du groupe Massive Attack. Précédemment à Ganja Sufi, c'était le groupe italien Calibro 35 avec la pièce Coffee is the Color, extraite de son plus récent album Exploration, sorti le 6 juin 2025. Et pour débuter ce bloc musical, nous avions droit à la formation anglaise Red Snapper, ici accompagnée par la chanteuse Beth Orton, pour l'interprétation de la chanson In Deep que l'on retrouve originellement sur le mini-album de Swank, paru en 1994. Audiomatic se poursuit sur une improvisation du groupe Harmonia. L'unique pièce de cette séquence musicale était l'œuvre du groupe Harmonia, intitulée tout simplement « Live at Fabric in Hamburg ». On peut la retrouver sur l'album « Document 1975 ». En conclusion de cette transmission 574 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre le projet suédois « Fever Ray » mené par Karin Elisabeth Dreyer, qui faisait autrefois partie du duo The Knife avec son frère. Du mini-album Triangle Walks Remixes, lancé en 2009, nous entendrons la version de la chanson Triangle Walks, remixée par l'artiste canadien Tiga sous le nom de 1-2-3-4 Remix. La transmission 575 d'Audiomatique sera diffusée mercredi prochain dès 17h, avant d'être rendue accessible sans contrainte spatio-temporelle parmi les archives numériques d'Audiomatique, dont une des portes d'entrée se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Fever Ray avec la chanson Triangle Walks. Tigaz 1-2-3-4 Remix. C'était Audiomatique avec les sonoristes. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4.